Chapitre 8e, l'hôtellerie San Pietro. Il n'était que 7 heures du matin. Les rues de la ville se peuplaient des ouvriers ou des artisans se rendant à leur besogne journalière. Belcoeur et les siens gagnèrent une osteria, 6 près des remparts, et d'où ils pourraient, sans être remarqués, prendre la route de Rome, l'auberge de San Pietro. L'hôtelier accueillit les voyageurs avec les plus grands égards. L'aspect de deux jeunes et fiers gentilshommes, suivi d'une telle escorte, lui inspira un vif respect, et il supputa la dépense considérable qu'il ferait chez lui. Aussi fut-il assez mari lorsqu'il entendit Roselin lui dire « L'ami prépare un bon repas pour 12. Nous avons la faim vale. Et prends soin des chevaux, car nous repartons tantôt, il doit fournir une longue course. » Givry s'était exprimé en français. Le vergiste avait parfaitement compris, car il avait servi 5 ou 6 ans en France comme pertuisianier de Catherine de Médicis. Néanmoins, il feignit d'ignorer la langue de Malherbe, sa mine sahurie et ses pharas. La varenne crut que l'Italien n'avait pas saisi et répéta l'ordre de Belcoeur dans le plus pur toscan. L'hôte alors s'inclina et courut jusqu'à la cuisine. Assis sur une escabelle, un homme était là, oisif, regardant vaguement de jolies servantes vidées de poulet aussi dodues qu'elles-mêmes. À l'entrée de l'hôtelier, l'homme redressa son long torse maigre, montrant un visage anguleux et famélique, barré d'immenses moustaches à la polonaise. « Eh bien, Jacopo, dit-il, tu as du monde de bonheur ce matin. Et toi qui te plaignais de manquer de pratique, ces seigneurs et leur suite vont laisser de nombreuses pièces d'or à l'hôtellerie de San Pietro. » « Pfff !» fit Jacopo avec un dépit méprisant. « Ce n'est pas ces gens-là qui m'enrichiront. Ils repartent ce soir. »« Bon, ils te l'ont dit ?» Oui, Fanacapa, et en français encore. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, mais on me l'a répété en italien. Leurs chevaux sont ferrés à neuf, et n'ont pas un grain de poussière sur le poil. Ils doivent débarquer. Oui, oui, approuva l'autre, ils arrivent de France, et par mer. Se levant, il s'approcha de Jacopo et lui dit tout bas, « Renvoie Stella et Maglone. » Les filles sorties. « Écoute, dit l'homme sur un ton mi-autoritaire, mi-confidentiel. « Je t'ai prié tout à l'heure de me prêter 5 ducats. Si je trouve le moyen de retenir chez toi ces voyageurs pendant quelques jours, me prêteras-tu l'argent ? Tu auras tes 5 ducats. À la bonne heure. Mais sois prudent, trembleur. Pour commencer, va vite retrouver tes hôtes et ouvre tes oreilles en attendant d'ouvrir ta bourse. » Attablés autour d'un repas improvisé, Givry, la varenne et leurs compagnons, servis à part, attaquaient un superbe pâté de gibier. À la vue de l'hôtelier, Roselin s'écria « À boire, misérable, nous mourons de soif !» Belcoeur avait encore parlé en français. L'hôte eut assez de présence d'esprit pour ne pas se précipiter ainsi qu'il fallait faire. Il demeura au contraire, immobile devant le capitaine, les épaules obséquieusement courbées, un sourire doucereux aux lèvres. Rien ne sait mieux se teindre de niaiserie que l'âme des fripons. « Ah ça, ce maraud ne bouge pas !» rugit le baron d'une voix qui secoua les vitres. « Parbleu, fit la varenne, il attend que je traduise. » Et il répéta l'ordre dans la langue harmonieuse de Dante. Cette fois, Jacopo courut vers la cave et ne tarda pas à reparaître au haut de la trappe chargée de 4 vénérables fiasques. Il mit sur la table les bouteilles pansues et poudreuses et les déboucha, lentement, très lentement, en sommelier précautionneux. Cette opération lui prit 5 bonnes minutes, après quoi il retourna auprès de Fanacapa. Celui-ci n'était plus seul. Toujours assis sur l'escabelle, tenant sa râpe à tabac et sa pochette, il causait avec une sorte de vagabond, mi-matelot, mi-routier, qui avait le bras droit en écharpe. « Ça va un peu mieux, » disait-il à Fanacapa. « Je pourrai bientôt m'en servir. Voyons, Jacopo, donne un verre de vin à ce camarade pour qu'il éprouve son bras. » Et baissant le ton, « Il peut nous renseigner sur les voyageurs de France. » L'homme prit le verre de la main droite et but sans trop de difficulté. « Cela va mieux, » fit-il satisfait. « Encore quelques jours, et Procopio sera redevenu un homme complet. » Tout à coup, il tressaillit et se dissimula en voyant passer la guibole et Franck Astor. « Je vais te montrer ça, » disait Honoré, le maître en fait d'armes. « C'est un coup très simple. Tu ramènes le compte de cartes et tu reviens en prime. »« Je vois, » répondit l'Alsacien. Allons là-bas dans le chartin. Nous serons très bien pour ta leçon d'escrime, la quipole. Et c'est excellent pour la digestion, cape de Dieu. Ils s'éloignèrent. Le mouvement de Procopio n'avait pas échappé à Fanakapa. « Tu ne tiens pas à voir ces messieurs ? » fit-il narquois. « Si, je voudrais les voir, à 6 pieds sous terre. Et mais on pourrait s'entendre ?» Il n'en dit pas davantage, mais entraînant l'autre, il sortit avec lui. Jacopo retourna dans la salle. Dans un coin, les laquais d'escorte jouaient à l'ombre. Sulpice et Babylas n'étaient plus là. Ils s'occupaient des chevaux. Belcoeur et la varenne achevaient leur repas. Sans dire un mot, Guillaume montra à Jacopo les fiasques vidés. « Capisco, messire, capisco. J'encave un muscat de Montefulciano qui mérite d'être bu par notre Saint-Père lui-même. » Et dévotement, Jacopo se signa, scandalisé de voir que ses hôtes n'imitaient pas son geste pieux. « Eh bien, va nous chercher une fiasque de ton muscat, » ordonna Guillaume, « et donne-nous aussi des dés pour la jouer à qui perd gagne. » L'hôte obéit, puis se glissa hors de la salle, passa dans le jardin où il voyait, de loin, Fanakapa remontant une allée qui aboutissait à une tonnelle enguirlandée de vignes vierges et de chèvrefeuilles. Il le rejoignit. « Eh bien ?» demanda l'aubergiste. « Et l'autre ?»« Parti, après m'avoir dit ce que je voulais savoir. Il faut qu'il se hâte. » « Alors, qu'as-tu appris sur nos gens ?»« Ce sont de beaux parpaillots au service du roi de Navarre. Oh oh ! Ils vont à Rome, par le littoral, chemin baroque. Ah ah ! Ils se cachent, ils ont peur. C'est qu'ils vont là-bas faire un mauvais coup, » déclara sentencieusement l'homme aux 5 ducats. « Tu vois que j'avais raison de vouloir empêcher leur départ. Par la Madone. À présent, je suis tout prêt à t'aider, Fanakapa. Des hérétiques. » Qui sait s'ils ne vont pas à Rome pour tenter quelques coups contre sa sainteté ? Fanakapa resta 1 minute songeur. Ils ont demandé une bouteille de muscat, fit-il lentement. Ils t'en demanderont une autre, tout à l'heure. Tu la leur donneras. Mais auparavant, tu introduiras ceci dans le flacon. Le bravo fouillait dans sa sobre veste. Il en tira un petit étui de fer plein d'une poudre blanchâtre qu'il montra à l'aubergiste. Quand ils auront bu, père Bacco, « ils ne seront plus guère à craindre, » ajouta-t-il d'un air entendu. « Empoisonné ?» balbutia Jacopo. « Non, endormi. Et les autres, leurs écuyers, leurs balais ?»« Ceux-là ne partiront pas tout seuls, ne crains rien. Je leur préparerai par ailleurs autre chose. Cette poudre n'altère pas le vin, elle l'améliore. » Soudain, des bruits de voix parvinrent aux oreilles des 2 hommes. À travers les feuillages de la tonnelle, ils virent la guibole et Francastor qui, au bout d'une allée, ferraillait avec ardeur et gaieté. Fanakapa observa attentivement les escrimeurs. Pendant 2 longues minutes, il ne perdit pas un seul de leurs mouvements. Puis, mettant un doigt sur ses lèvres, il sortit rapidement en courbant avec précaution son torse efflanqué derrière les arbustes. Quand Fanakapa eut disparu, Jacopo se gratta la tête derrière l'oreille, geste qui pour les chats signifie « changement de temps » et pour les hommes « perplexité ». Que diable peut-il faire, Christo ? J'ai peut-être tort de m'embarquer dans cette aventure, moi. Oui, mais garder les clients, et aussi empêcher ces parpaillots d'attenter à la vie du pape. Il se signa de réchef, et quittant à son tour la tonnelle, rentra dans l'hôtellerie.